Dimanche 1er novembre 2020. Bonjour mesdames et messieurs, vous qui écoutez Isanganiro, votre station de référence. C'est l'heure du journal en français, la grande édition de cette mi-journée, dont voici d'abord l'essentiel. Le gouvernement burundais compte multiplier les cultures d'exportation pour faire entrer des devises au pays. Annoncé jeudi de cette semaine du Premier ministre burundais devant la chambre basse du Parlement lors de sa présentation du plan d'action annuel du gouvernement exercice 2020-2021. Vous l'entendrez. Plus de 500 000 plants d'arbres ont été produits en pépinière au cours des trois mois derniers dans le cadre du projet Ewe Burundura Mbaye, mais aussi cinq machines à briquettes ont été initiées afin de réduire les combustibles, surtout le bois de chauffage au sein de l'armée burundaise. Vous entendrez dans ce journal Alain Tribert Mutabazi, ministre burundais de la Défense nationale et des anciens combattants. C'est devenu coutume, tous les dimanches, vous en êtes habitués, nous vous proposons la chronique nutrition. Aujourd'hui, elle sera centrée sur la plante appelée Moringa, avec une importance capitale dans la prévention de plusieurs maladies, comme l'hypertension artérielle et le diabète. Innocent Bimonimana sur la mise en onde de cette édition. Vous retrouvez Aimé Richard, Nyongura la présentation. Rebonjour et bonne réception. Rebonjour. Je vous disais en titre, le gouvernement burundais compte multiplier les cultures d'exportation pour faire entrer des devises au pays. C'est ce qu'a annoncé jeudi de cette semaine le Premier ministre lorsqu'il présentait devant l'Assemblée nationale le plan d'action annuel du gouvernement burundais exercice 2020-2021. Alain-Guillaume Bougnoni a ajouté en outre qu'il y a des projets de transformation des produits agropastoraux pour leur valorisation. Je vous propose de l'écouter. Il est traduit en français par Moïse Misako. Il y a le projet de protection des bassins versants et des marais. C'est un vaste projet qui doit être poursuivi par le ministère de tutelle. Il y a le devoir de s'assurer que les agriculteurs ne manquent pas d'engrais chimiques. Il y a aussi des projets de création des stocks stratégiques en ce qui concerne des nourritures, car des fois, des agriculteurs récoltent plus, voire l'excédent, une partie de leur production pourrit ou manque carrément. Il faut bien conserver cette production pour la vendre et faire entrer des devises. Il y a en outre des projets de valorisation des produits agricoles et ceux de l'élevage afin de les transformer et puis les conserver dans les boîtes de conserve, soit de les sécher, voire même les exporter. Il y a un programme d'appuyer les agriculteurs et surtout les opérateurs du secteur de transformation pour bien travailler. Il y a aussi un projet de multiplier les cultures d'exportation pour que nous ayons des produits à exporter sur le marché international afin de profiter d'autres gains comme les devises et d'autres avantages que nous n'avons pas au pays. Il y a aussi un projet de protéger les sources d'eau et leurs environs. Vous avez entendu, il y a un rapport qui montre qu'au Burundi, beaucoup de sources d'eau ont tari à cause du manque d'aménagement, alors que par contre, c'est le Burundi qui a des sources d'eau qui irriguent dans d'autres pays. Le pays n'utilise pas de l'eau en provenance de l'extérieur du Burundi. Alain-Guillaume Bougnoni, il est Premier ministre burundais dans la traduction de notre confrère Moïse Misago. Plus de 500 000 plants d'arbres ont été produits en pépinière au cours des trois derniers mois dans le cadre du projet de protection de l'environnement dit Ewe Burundura Mbaye, précision du ministre de la Défense nationale des anciens combattants lors de la présentation ce vendredi des réalisations trimestrielles de ce ministère. Alain Tribert Mutabazi fait savoir aussi que cinq machines à briquettes ont été initiées afin de réduire les combustibles, surtout le bois de chauffage utilisé par l'armée burundaise pour des activités culinaires. Suivez Alain Tribert Mutabazi, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Dans le cadre du projet national Ewe Burundi Urambaye, des pépinières ont été également préparées dans plusieurs unités militaires. C'est dans cette optique que nous avons effectué une descente en province de Makamba en vue de se joindre à l'administration, à la population et au corps de défense et de sécurité dans la préparation des pépinières dans le cadre de ce grand projet Ewe Burundi Urambaye. Ce mois de septembre 2020, Au total, 562 750 plants en pépinière ont été produits dans le cadre de ce projet national. 5 machines à briquettes ont été déjà livrées dans les entrepôts de la Force de défense nationale du Burundi en vue de la production des briquettes. L'acquisition des matériels servant à la construction des hangars pour les usines à briquettes est aussi déjà terminée. La fabrication de ces briquettes par la Force de défense nationale du Burundi va sensiblement réduire le coût lié à l'achat des combustibles. Renforcer la participation aux activités du projet national de reboisement Ewe Burundi Urambaye et la perspective d'avenir pour le trimestre suivant. Le gouvernement ainsi que les acteurs non étatiques comme les églises ont un rôle important dans la lutte contre la propagation des messages de catégorisation des victimes. Ces propos sont de Jean Bosco Harelimana, expert en justice transitionnelle. Dans une interview exclusive accordée à la radio Isanganiro, il a indiqué que les discours de catégorisation des victimes ont pas mal de conséquences dans la société parce qu'ils empêchent la réconciliation ainsi que la bonne cohabitation. Suivez-le. Les conséquences, c'est que la compétition de mémoire, c'est que ce qui est surprenant d'abord, c'est que naturellement, les victimes se cachent. Mais ce qui est surprenant dans ça, c'est qu'on entre en compétition pour devenir victime. Et alors, quand on est reconnu comme victime, ça va avec les avantages irrelatifs. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 13h03, mais vous voudrez bien nous excuser pour cet élément précédent. Nous allons y revenir dans la soirée. Et là, à 13h03, comme je le disais, l'église adventiste du 7e jour de Sololezo, en commune Kanyosha de la province de Bujumbura, est fermée depuis ce samedi. La mesure de fermer cette église a été prise par le gouverneur de cette province après des échauffourées qui se sont éclatées ce samedi entre les fidèles de cette église. Désiré Nsengiyou va préciser que cette église de Sololezo n'est pas la seule qui a été fermée, mais qu'il y a d'autres qui ont connu le même sort jusqu'à un nouvel ordre. Suivez-le. Vous connaissez avec nous que l'église adventiste a été dotée d'une direction au niveau du pays. Là, on a mis en place 4 personnes qui vont diriger l'église adventiste. Hier, c'était l'occasion de me présenter le pasteur qui va diriger les églises et qui se trouve dans la localité de Sororezo. Après avoir présenté ce pasteur, c'était après, et le pasteur devrait quand même présenter alors ceux qui vont diriger les autres églises émanant de l'église du 7e jour de Sororezo. Alors, ce pasteur devrait quand même présenter ses représentants ou bien les représentants de l'église au niveau local. Après avoir présenté ces gens, la fosse s'est réveillée et a créé beaucoup de problèmes à ce qu'on a obligé quand même de faire ressortir les fidèles de l'église jusqu'à même fermer l'église. Aujourd'hui, l'église est fermée tout en attendant que l'administration au niveau supérieur de l'église devra prendre la chose en main. Ils vont quand même faire de leur nion à chercher des solutions efficaces pour faire face à cette situation. Y aurait-il pas des mobiles politiques? Non, on ne peut pas dire qu'il y a mobile politique, seulement c'est au niveau des fidèles. Et les gens réclament qu'on puisse faire des élections, d'autres réclament qu'on puisse quand même choisir ce que les responsables ne veulent pas. Alors pour le moment, il n'y a pas vraiment un élément qui pourrait nous montrer qu'il y a des mobiles politiques. Jusqu'ici, l'église est fermée jusqu'à quand? L'église est fermée, mais l'administration dispose des clés, est en possession des clés, et que nous attendons que les responsables au niveau supérieur de l'église puissent nous montrer comment ils vont résoudre ce problème avant d'ouvrir cette église. Monsieur le gouverneur, ce problème s'observe seulement dans l'église adventiste de Sororezo ou bien ça s'étend sur toute la province? Non, il y a d'autres églises là où l'autorité supérieure n'ont pas encore, les autorités supérieures n'ont pas encore exercé leur pouvoir, et notamment en commune Kimbouzi, à quelques églises et aussi en commune Isare, là où nous sommes prêts à les accompagner dans le but quand même d'installer leur ces églises. Une manifestation sportive dans différentes disciplines a été organisée ce samedi au chef-lieu de la province de Mngaro par le Comité national olympique en collaboration avec l'administration dans cette province. Au cours de cette compétition organisée dans le but de détecter les talents chez les jeunes, Lydia Sekela, présidente du Comité national olympique, a demandé aux jeunes, surtout les filles, de pratiquer le sport parce qu'il y a plusieurs avantages. Le gouverneur de la province de Mngaro conseille lui aussi les jeunes à aimer le sport tout en n'oubliant pas le travail scolaire. De Mngaro, Laurent Dikouli. Au niveau du football masculin, le RC Mngaro a battu le RC Mouyewe sur un score de 4 buts à 1. Au niveau du football féminin, le RC Mngaro a également remporté la victoire en battant le RC Mouyewe avec un score de 2 buts à 0. Pour le volleyball, que ce soit pour les garçons ou les filles, les équipes du RC Mngaro ont gagné le match avec 3-7 sur aucun 7 de l'INEFA Kiwombo. Au niveau du basketball garçon, le RC Mngaro a gagné avec 88 points sur l'équipe de l'INEFA Kiwombo avec 18 points. Quant au match de basketball féminin, le RC Mngaro a battu le lycée communal Mngaro 1 avec un score de 70 points sur 6 points du lycée communal Mngaro 1. Pour le handball, l'équipe masculine du lycée Mngaro a gagné le match avec un score de 19 buts contre 8 buts de l'Itabu Kirika de la commune de Bissoro. Pour cette même discipline, l'équipe féminine du lycée communal Nyakararo a gagné le match avec un score de 20 buts contre 5 buts du lycée Mouyewe. Pour l'athlétisme, les jeunes athlètes ont fait un circuit de 3 km à partir du stade de Mngaro en direction du monument du cinquantenaire pour enfin arrivés au même stade où ils avaient pris le départ. Au cours de cette manifestation sportive, Lydia Sekela, présidente du Comité national olympique, a indiqué que le but est de voir les talents que possèdent les jeunes et conseille aux jeunes, surtout les filles, de pratiquer le sport car il permet d'avoir une bonne santé et l'entente entre les gens. Il permet aussi de développer des aptitudes à la détermination pour atteindre un objectif, a-t-elle indiqué. Le gouverneur de la province de Mngaro, colonel Gaspard Gassanzwe, conseille aux jeunes d'aimer le sport tout en ne négligeant pas le travail scolaire pour être demain de futurs cadres du pays. De Mngaro, Laurent Dikouli, Radio Isanganiro. Merci Laurent. De Mngaro, au sud du pays où les sachets non biodégradables s'observent toujours au marché central de Makamba, les commerçants expliquent qu'ils sont en train d'écouler leur dernier stock. Ils indiquent qu'ils éprouvent des difficultés, d'autant plus qu'une grande partie de leurs produits leur parviennent emballés dans les sachets. Ils demandent à cet effet que même les produits de substitution soient transparents pour permettre également aux clients de voir ce dont ils ont besoin, n'est-ce pas, Jérôme Akiziman? Les sachets non biodégradables s'observent dans le marché central de Makamba et de part et d'autre sur les étagères des échoppes de la ville de Makamba. Certains commerçants signifient qu'ils n'ont refusé d'obtempérer la loi interdisant la commercialisation des sachets non biodégradables, mais plutôt qu'ils sont en train de couler leur dernier stock. Et concernant les sachets biodégradables, pas mal de commerçants en ont à leur disposition, même s'ils déplorent sa cherté et son insuffisance. Ils demandent à cet effet au gouvernement burundais que le prix de ces sachets non biodégradables soit revu à la baisse et les rendre suffisamment disponibles. Toutefois, ces commerçants soulèvent leurs inquiétudes d'autant plus qu'une grande partie des produits qu'ils vendent leur parviennent étant emballés dans les sachets transparents, ce qui, selon toujours eux, permet aux clients de facilement voir ce dont ils ont besoin. Sur ce, ces commerçants souhaitent que même ces produits de substitution soient également transparents. Toujours à propos de cette loi interdisant la production et la commercialisation des sachets plastiques, ces commerçants s'interrogent si l'eau minérale, les jus et d'autres produits liquides qu'ils vendent sont-ils également concernés par cette mesure. Ils demandent de la lumière à propos, étant donné que les mesures sévères sont déjà prévues pour tout contrevenant. Jérôme Akizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci Jérôme. Revenons sur l'élément qui concernait la justice transitionnelle sans qu'il ne soit tard. Le gouvernement ainsi que les acteurs non étatiques comme les églises ont un rôle important dans la lutte contre la propagation des messages de catégorisation des victimes. Ces propos sont de Jean Bosco Harerimana, expert en justice transitionnelle. Dans une interview exclusive accordée à la radio Isanganiro, il a indiqué que les discours de catégorisation des victimes ont pas mal de conséquences dans la société parce qu'ils empêchent la réconciliation ainsi que la bonne cohabitation. Suivez. Les conséquences, c'est que la compétition de mémoire, c'est que ce qui est surprenant d'abord, c'est que naturellement, les victimes se cachent. Les victimes ont tendance à se stigmatiser. Mais ce qui est surprenant dans ça, c'est que on entre en compétition pour devenir victime. Et alors, quand on est reconnu comme victime, ça va avec les avantages irrelatifs. On s'arroge le droit de faire ce qu'on veut parce qu'on est victime. Alors, la conséquence, c'est qu'il y a tendance à la globalisation. On a tendance à ne pas fermer le passé qui devrait être fermé. On ne pointe pas du doigt les acteurs. Ça pose problème de la réconciliation, sinon ça bloque la paix, d'autant plus qu'on en hérite alors qu'on n'en sait rien. Il y a risque de résurgence des violences de masse dans le sens où une génération est confrontée à un discours qu'elle n'a jamais entendu et qu'elle est enseignée. Cet endoctrinement renvoie à l'instrumentalisation politique. Tout devient possible, la possibilité de résurgence de crimes de masse dans l'instrumentalisation, surtout des jeunes gens. Pour déconstruire, il doit y avoir toute une série de travaux avec ceux qui prennent les décisions au niveau politique, toutes les personnes, toutes les communautés, toutes les races qui ont souffert, ont souffert. On ne peut pas dire les nôtres sont plus morts que vos morts. Et donc, ce discours de politique, il est très très important. Deuxième chose, c'est le travail des acteurs non étatiques, les organisations de la société civile, les ONG, les personnes influentes, les églises, d'intégrer dans leur agenda la déconstruction de ce discours de stigmatisation. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Je vous l'avais annoncé en titre, la plante appelée Moringa intervient dans la prévention contre plusieurs maladies comme l'hypertension artérielle et le diabète. Selon Gilbert Nangwahafi, expert en nutrition, Moringa est extrêmement riche en minéraux et en vitamines A, C et E. Cet expert ajoute également que c'est un aliment très connu pour sa richesse en calcium et en antioxydants. Chronique nutrition, signé Jean-Marie Mayong. Selon Gilbert Nangwahafi, expert en nutrition, cette plante contient de nombreuses propriétés et contient une quantité abondante de minéraux comme le calcium, potassium et autres. Grâce à sa chlorophylle, il possède une action purifiante. Ce pigment responsable de la couleur verte et feuille de moringa favorise la détoxication cellulaire, intervient aussi à la santé de la flore intestinale, lutte contre les ballonnements ainsi que la prolifération bactérienne. Moringa, c'est une plante qui existe 13 variétés, mais le moringa aurifera nous intéresse beaucoup grâce à ses nombreuses qualités nutritives et thérapeutiques, avec un pouvoir de lutter contre plus de 300 maladies, dont le rhume, hypertension artérielle, diabète, ulcère, bronchite, cancer, hypercholestérolémie, la stimulation du système immunitaire, car il est riche en minéraux et en vitamines, en antioxydants comme terpènes, acides foriques, flavonoïdes et d'autres. Gilbert Nangwahafi précise que cette plante peut être consommée comme des légumes ou comme des tisanes pour se prévenir contre différentes maladies. On prépare cette plante de plusieurs manières, comme légumes, comme les épinards, bien en soupe, bouillon de légumes, beignet, surtout avec ses frères, en tisane ou en jus. Si conditionné sous forme de gélule et à des cuillères à café, et la cuillère doit durer 4 mois. Tout est beau dans cet arbre, donc les racines, les feuilles, l'écorce, ses graines et ses fleurs, rien ne se perd. Pendant la grossesse et l'allaitement, des précautions doivent être prises pour éviter des effets secondaires. Il faut craindre cette plante et la prendre avec attention chez une femme enceinte ou allaitante, car elle peut provoquer une hypervitaminose A qui peut entraîner l'hypertension intracrânienne, céphalée, hôpital, hypercalcémie, épanchement prélot, vomissement, irritabilité, troubles de coordination motrice ou bien troubles cutanés, desquamation, prurite, alopécie et troubles neurologiques comme la fatigue, irritabilité, leucopénie. Il faut aussi craindre si on souffre de l'insomnie ou bien des troubles du sommeil. Au Burundi, cette plante appelée moringa est cultivable et pousse dans tous les sols et peut être trouvée dans les zones équatoriales et tropicales et pour la hauteur, elle peut atteindre jusqu'à 10 mètres. Jean-Marie Mayonga et vous l'auriez compris, c'était une rediffusion comme pas mal l'avait demandé. Et nous voici alors à destination de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Innocent Bionimana qui assurait la mise en onde et à toute l'équipe de la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à la réalisation. Merci à vous tous qui êtes branchés sur Isanganiro. Le journal vous a été présenté par Aimé Richard Nyonghuru. Je vous souhaite de passer une très bonne journée dominicale et surtout bonne fête de tous les saints à vous qui y croyez.